Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ici, j'écoute des gens me parler de théâtre et de création. Aujourd'hui, j'ai rencontré les membres du collectif Les Parvenus, qui reviennent sur les planches du Théâtre de Belleville après un beau succès à l'automne avec leur pièce Persona, qui se jouera du 6 mai au 29 mai, le dimanche à 20h30 et les lundis et mardis à 21h15, puis jusqu'au 26 juin, les lundis et mardis à 21h15. On a parlé théâtre et impro, on a parlé mise en scène et action culturelle, et on a tenté de donner un bout de réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est en fait faire du théâtre? Bonjour les parvenus, vous revenez à Belleville avec Persona, un spectacle d'improvisation. Donc autour de la table, on est avec Laurent et Anaëlle, co-metteurs en scène et comédiens donc, de ce spectacle. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que les spectateurs vont voir avec Persona? Donc Persona, donc c'est un spectacle improvisé en écriture de plateau en direct devant les spectateurs. Donc le cadre, c'est un appartement, une soirée, quatre amis qui se retrouvent dans cette soirée, dans cet appartement. C'est improvisé au départ, on va demander des choses au public, puisqu'on va leur demander pourquoi ils se sont réunis à cette soirée spécifique. Il y en a un qui reçoit, ou une qui reçoit les autres, chez lui ou chez elle. Donc on va demander pourquoi, qu'est-ce que cette personne a annoncé à ses amis. Et on va également demander au public de nous distribuer des personnalités qui sont compris dans l'énéagramme, qui est un ancien concept en psychologie qui définit 9 types de comportements chez l'être humain. Qui sont, par exemple ? Par exemple, on va faire les 9. Il y a le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le romantique, l'observateur, le loyal, l'épicurien, le justicier, le médiateur. Voilà. Et puis tout ça, on peut mettre au féminin aussi, mais du coup, j'aurais pris 2 fois plus de temps. Mais on féminise, il y a des personnalités au masculin et au féminin. D'accord. Et donc, Laurent et Anaëlle, quand vous dites que vous avez fait la co-mise en scène, et aussi vous êtes sur scène, concrètement, qui a fait quoi, en fait, dans cette pièce? Il y a combien d'autres comédiens avec vous au plateau? En fait, dans le collectif, donc nous, on fait partie d'un collectif qui s'appelle donc Les Parvenus. Nous sommes actuellement 9 parvenus dans ce collectif. Il y a 2 régisseurs et 7 comédiens, comédiennes. En 2014, on a commencé un laboratoire de recherche sur les nouvelles formes d'écriture théâtrale. Et justement, dans ce laboratoire de recherche, j'avais proposé comme matériau de base l'énéagramme donc au groupe. Et on est parti là-dessus, sur cette matière qui nous intéressait justement, parce que ça apparaissait comme étant 9 cartes, 9 rôles, 9 personnages à endosser le temps d'un spectacle. Et donc c'est comme ça qu'on est parti en recherche. Et avec Laurent, donc on a décidé de se mettre tous les deux, on va dire, de prendre en charge la mise en scène de ce spectacle. Comment ça vous est venu, ce projet, justement? Donc c'est toi qui t'étais, dans un premier temps, renseigné sur l'énéagramme. Mais déjà, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que les parvenus existaient avant? Et aussi, pourquoi improvisation? Vous avez fait quoi comme formation de comédien? Donc justement, voilà, donc on est 7 comédiens, comédiennes dans le collectif. Et de formation, on était tous et toutes de formation de théâtre classique, de différentes écoles. Je ne sais pas si j'arriverai à citer toutes les écoles, mais à différentes écoles de théâtre nationales, ou conservatoires, ou des écoles de région. Et on avait toutes et tous fait partie aussi de ligues universitaires d'improvisation théâtrale. Donc on avait un peu ce double parcours qui nous semblait chouette pour se retrouver, parce qu'il y a aussi, je vais essayer d'être claire là-dessus sur mon propos, on s'était rendu compte, soit quand on était en école de théâtre, soit qu'on était en ligue universitaire, qu'il y avait un petit peu une scission entre ces deux disciplines artistiques. Mais nous, étant dans le cas où on faisait partie de ces deux choses-là, on se disait, mais en fait, ces deux choses-là, elles ne sont pas si éloignées que ça, en fait. Il y a énormément de ponts à faire. Et Persona est une réponse à ce désir, justement, de faire un vrai pont, de relier les écritures théâtrales contemporaines et l'improvisation théâtrale. puisque quand on est improvisateur aussi, on lit donc trois disciplines, puisqu'on lit le jeu, l'interprétation, l'écriture, puisqu'on écrit en live, et la mise en scène. Et donc ça, c'est quelque chose, je sais personnellement, qui me manquait quand je jouais au théâtre, où j'étais simplement interprète. Alors, je dis simplement interprète, c'est un grand mot, parce que déjà être interprète, c'est très compliqué. C'est beaucoup. Voilà. Mais je sais qu'il y avait cette partie, ces deux autres casquettes qui me manquaient beaucoup, et que j'avais très envie de reprendre, d'explorer davantage. Et en fait, dans les formats existants d'improvisation, il y avait beaucoup de formats qui sont des formats classiques, que sont le match d'improvisation et le cabaret d'improvisation, où là, on est dans un format très court. Ok, donc pour vous, il n'y a pas forcément de distinction entre théâtre classique et... classique contemporain, mais théâtre dans le sens général du terme, et improvisation. Parce que souvent, improvisation, quand dans l'esprit des gens, c'est très lié au stand-up, au match d'impro, justement, où c'est aussi des personnes qui jouent les unes contre les autres et pas une écriture collective. Il n'y a pas forcément d'ensemble. Bon, je pense que c'est un peu une idée reçue. Oui, c'est ça, en vrai. C'est un peu une idée reçue parce que quand tu vois un beau match d'impro, généralement ce qui s'est passé, c'est que les équipes ont décidé de jouer ensemble, au contraire. Et en fait, c'est juste un décorum où tu as un public qui est là, qui vote, un arbitre, qui joue le méchant de l'histoire, etc. Mais c'est plus pour créer un décorum et donner un cadre au tout. Et pour qu'une impro soit belle, il faut qu'il y ait de l'écoute, une envie de partager et de co-construire. Sinon, c'est la catastrophe. Mais je pense qu'il y a, il y a une différence fondamentale entre le théâtre et l'impro, c'est que le théâtre, généralement, on distribue plutôt les rôles, malgré tout encore, même si aujourd'hui, tu as beaucoup de collectifs et tu as beaucoup de gens qui touchent à plein de choses, donc qui touchent à la fois à la mise en scène, au jeu, etc. Mais c'est pas un acte d'écriture spontanée comme on peut l'avoir en improvisation. Et ce que je trouve génial là dans le format long, c'est que tu peux vraiment tenir un propos, tu peux vraiment développer un personnage sur un temps long. Et c'est en tant que comédien, en tant que metteur en scène et en tant qu'auteur, c'est hyper excitant à faire. Et justement, pour le travail en amont, vous avez tous travaillé du coup chaque personnalité, chaque type, chacune des 9 personnalités. Et ça se passe comment concrètement en répétition? En répétition, on est pas mal à tourner, parce que justement, c'est un collectif, donc on essaye aussi de se faire travailler mutuellement, notamment parce que tous les deux, on joue dans le spectacle. Donc c'est souvent elle et moi qui lidons les trainings. Et donc en fait, on a pas mal bossé à partir de l'énéagramme et à partir d'un bouquin de référence. Je te laisse. donc ce livre sur lequel on s'est... On s'est appuyé. En fait, l'énéagramme, donc c'est comme des cartes, comme des rôles. Ça s'applique normalement, donc c'est une science qui s'applique pour n'importe qui dans la vie courante. Et ce livre de René de Lassus explique que chaque personnalité a subi une blessure dans l'enfance, qui du coup a provoqué des mécanismes pour se défendre et aussi pour être accepté et pour être aimé de tous dans la vie. Donc voilà, c'est juste que là, il y a 9 blessures différentes, on va dire, 9 comportements différents, avec des moteurs sous-jacents, des peurs aussi, des peurs fondamentales qui les distinguent, des visions du monde, 9 visions du monde aussi assez différentes. Et des comportements aussi différents, suivant que la personne est seul, par exemple, ou en société. Et donc, en fait, nous, on avait très envie de pouvoir travailler autour du masque social, qui est un peu le cœur là, de ce projet. Et c'est à partir donc, de ça, à partir de ce livre, de cette théorie, de cette recherche qu'on a pu faire autour, qu'on a créé justement cette forme-là, qui est Persona, avec une scénographie bien particulière et des espaces bien particuliers qui correspondent justement à différentes interactions sociales. Okay. C'est pour ça qu'il y a 4 espaces du coup dans le spectacle. Ce qui nous intéressait de voir, c'était comment une personnalité, comment elle agit et comment elle réagit donc quand elle est en groupe, donc l'espace de la soirée, de la table. Mm-hmm. Comment elle agit et comment elle réagit lorsqu'elle est face à une seule personne, dans une certaine proximité, donc l'espace du balcon. comment elle agit et comment elle réagit quand elle est seule. Donc l'espace des toilettes où là vraiment on enlève plein de couches justement du masque social pour aller très très au fond sur ce que la personnalité veut justement surtout pas montrer aux autres. Et on a créé un dernier espace qui est l'espace du flashback. Et dans cet espace-là, c'est là où on va travailler la naissance de chaque personnalité et aussi la formation du groupe et de la bande d'amis, comment elle s'est connue, parce qu'il y a aussi cette articulation-là. On a envie aussi de se raconter à travers ce spectacle, parce qu'on est aussi on est des collègues de travail, mais on est aussi une bande d'amis depuis une dizaine d'années. Donc on avait aussi envie de se raconter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on garde nos prénoms au plateau. Oui. C'est nos prénoms à nous. Vous vous êtes rencontrés comment ? Avec Laurent, on s'est rencontrés au conservatoire du 18e. C'était au moment des auditions. Je me souviens plus de l'année, mais je suis plus très bonne. C'était en 2009. En 2009, ouais. Voilà. Déjà. En 2009. Et puis, donc, moi, je suis restée au conservatoire du 18e. Et puis, Laurent, du coup, tu avais eu aussi un autre concours. Tu étais rentrée à l'EDT. 91, ouais. Voilà. Après, nous, on n'a aucune prétention scientifique avec ce projet. Ce sont des concepts sociaux qui vous intéressent. Ah oui, bien tout sûr. À fait. Mais l'idée, c'était vraiment de servir de cette matière-là pour justement ramener de l'artistique, quoi. Comment vous avez dessiné la mise en scène et, est-ce qu'il y a une partie écrite dans le spectacle, une base sur laquelle vous appuyez? Est-ce que vous liez du coup improvisation et texte théâtral? Ou c'est vraiment de A à Z, complètement de l'impro ou... Alors, c'est pas complètement de l'impro. Vous avez des repères pour vous On a une introduction qui est écrite. Qui est complètement écrite, voilà, et donc ça se voit, c'est assez flagrant hein, quand on vient voir le spectacle, et on a nos espaces qui fonctionnent pour nous comme des rendez-vous. Donc après, on n'a pas un schéma, c'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, on sait qu'on ne doit pas se retrouver à tel ou tel endroit, mais on sait qu'on doit activer les espaces de façon à pouvoir rendre une qualité de spectacle qui soit bonne, même si ce soir-là, il n'y a pas la magie de l'improvisation et notre grand Dieu qui est avec nous. Parce que on le doit au public, on le doit... il faut qu'il y ait une qualité minimum, sinon on ne pourrait pas se présenter devant un public. Mm-hmm. Donc en fait, on a une structure qui existe, mais qui n'est pas une structure musicale, je ne sais pas si c'est clair, mais ouais. On sait que voilà, on a pas tel ou tel ou tel ou tel rendez-vous. Après, on a des choses dans le spectacle qui reviennent d'un spectacle à l'autre. Ouais. Mais justement, je pense que si les gens aiment le spectacle et s'ils reviennent nous voir, parce que c'est le cas, il y a des gens qui reviennent 3, 4, 5 fois. Par curiosité, par envie, parce qu'il y a aussi, je pense, une espèce de sentiment d'empathie qui se fait avec nous, puisqu'ils nous voient en train de... d'être au bord du précipice et d'y aller gaiement, donc je crois que ça donne un peu envie aussi. C'est parce que à chaque fois qu'on est dans l'improvisation, donc c'est sur 1h20, ça doit être 1h18, on est aussi en recherche, on est aussi en danger, on est aussi sensible, et il se crée quelque chose, je crois, avec le public à ce niveau-là. Là, du coup, selon vous, c'est essentiel de vous connaître autant, justement, d'être une bande d'amis très soudée, parce que justement vous pouvez peut-être vous rattraper, vous savez à peu près où chacun peut aller. Alors à la fois oui, je pense que c'est essentiel pour ce spectacle. De toute façon, ce spectacle il ne serait pas né si on n'avait pas, enfin tout ce que du coup on t'a expliqué avant, c'est parce que justement on se connaissait, c'est parce que justement on avait fait des écoles de théâtre et des ligues universitaires d'impro, c'est parce que justement on avait cette envie de croiser ces deux disciplines. Parce que c'est pour ça qu'on a ouvert un laboratoire de recherche, c'est pour ça que ce spectacle est né. Donc, oui, c'est sûr que c'est hyper important. Après, c'est pas parce qu'on se connaît que du coup, on va avoir envie de rester dans un confort de jeu et de tout le temps aller activer à des endroits qu'on connaît de l'autre. Donc, bien au contraire, plus les années passent, puisque la première date, la première fois où on l'a joué, c'était en juin 2015, si je ne me trompe pas. Plus les années passent et plus au contraire on a envie de se surprendre et surtout pas retrouver un tel dans un confort de jeu et moi aussi. Enfin, on fait pas ça pour être dans un petit matelas avec une petite couette et un petit oreiller et puis être tranquille. On fait ça aussi pour aller encore plus loin, pour se dépasser, pour se surprendre. C'est pour ça qu'on fait de l'écriture au plateau, en direct aussi. C'est parce qu'on a envie et besoin de ça, je pense. Et tu demandais tout à l'heure comment est-ce qu'on travaillait cette matière-là. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé les personas avec, avec l'œuvre de référence. Mais aussi au plateau, on a beaucoup, beaucoup travaillé en improvisation, par exemple le monologue, ou en se donnant différentes contraintes d'écriture. Tu vois, c'est un peu la manière de l'Oulipo, quoi. Mais c'est vraiment des exercices d'écriture live. Qui sont très littéraires. Enfin, on est parti dans plein d'explorations, etc. Avant de bosser là sur cette matière-là, sur Persona, on bossait sur les liens entre Shakespeare et l'impro. Donc, tu vois, on essaie vraiment de se nourrir au maximum. Et je crois que chez tout le monde, il y a l'envie, ben, voilà, de travailler, de progresser, d'aller encore plus loin dans nos propositions. Et en fait, je crois que si on aime ce spectacle, et là, on en est, je sais pas à combien de représentations, et si on continue à le faire, c'est parce que justement, ce spectacle, il est frais, même pour nous au plateau. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que du coup, à chaque fois, les contextes de départ, donc de la soirée entre amis, changent. Oui. Et vous avez des thèmes souvent qui reviennent. Ah bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a des thèmes que le public adore fournir, ouais. Et qui est normal, puisque pour des gens qui viennent la première fois, il y a des évidences aussi qui arrivent, comme le coming out, le changement de sexe, faire le tour du monde. Et puis il y a aussi quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Tu disais l'improvisation et le théâtre, pour vous, est-ce que c'est différent, etc. Il y a aussi dans les présupposés de l'improvisation, on se dit ça va être forcément hyper drôle tout du long et aller dans la vanne. Mmh. Et justement, ce qu'on a envie de proposer avec Persona, c'est un spectacle qui est drôle, parce qu'on aime rire aussi, et pas parce que c'est nécessaire, je pense, pour pas complètement euthanasier le public, voilà, de ramener un petit peu des points de légèreté, d'humour ou de rêve, mais c'est aussi un spectacle qui peut être par moments hyper dur, hyper tragique, des scènes qui peuvent être chargées émotionnellement, puisque nous, ce qu'on a envie, c'est de provoquer quelque chose dans le cœur du spectateur, quoi. Ah, ça fait hyper bateau, cette phrase-là. Ouais, non, c'est pas bateau. Non, mais c'est vrai que d'une soirée à l'autre, et même là, on le voit surtout quand on le joue là trois fois de suite, trois soirs d'affilée, que les couleurs sont complètement différentes d'un soir à l'autre. Vraiment. Ça, oui. C'est, Et aussi du fait que tous les soirs, même s'il y a des thèmes qui reviennent, vous, de toute façon, changez de personnalité généralement. Déjà, et puis on change aussi dans la composition de l'équipe. Mm-hmm. On n'est pas les mêmes, donc ça change complètement la donne. Et puis on écrit vraiment au présent. Donc en fait, tu écris avec ce que tu es aujourd'hui. Tu vois, si aujourd'hui t'es crevé, bah comment est-ce que tu joues avec ça? Mais il faut que ça joue. Ça, c'est l'exigence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire du coup, je suis crevé les gars, vous y allez, je vous regarde. C'est impossible, on est quatre à jouer au plateau, plus évidemment notre régisseur, qui est lui régisseur lumière et son improvisé, et qui lui aussi agit et interagit comme un cinquième personnage, quoi. Voire un metteur en scène aussi par moment. Ok. Mmh. Est-ce que, enfin, comment vous faites aussi pour ne pas déborder, parce que parfois peut-être qu'on se laisse déborder par des thèmes, des personnages. On en parlait entre nous tout à l'heure, le point Godwin ou avoir des propos un peu limites qui parfois peuvent choquer et justement, enfin, perdre le contrôle un peu en fait de la pièce parce que justement on est dans cette impro. Vous faites comment? Est-ce que justement c'est ça qui vous intéresse aussi? Bah, s'il y a un personnage. Une personnalité qui déborde ce soir-là, un soir précis, bah elle débordera, en fait. Et ce qui fait aussi la force du spectacle, c'est qu'on est quatre au plateau. Donc on est toujours aussi dans cet équilibre et cette recherche d'écriture ensemble. Et pour nous, ça nous paraît aussi important que quatre voix différentes puissent être entendues sur un sujet précis. Et plus ça va, plus justement on prend des sujets d'actualité, parce que le public, il sort ça aussi. Quand on a passé un petit peu les bases du coming out, du changement de sexe et du tour du monde, ce qu'on ne prend plus, il y a beaucoup de sujets d'actu qui sortent. Et donc la chance qu'on a avec l'actualité, c'est qu'elle bouge tout le temps. Donc à chaque fois, on va prendre des thématiques différentes. Et ce qui va être intéressant là-dessus pour nous en écriture, c'est justement d'avoir quatre points de vue différents sur un sujet spécifique. C'est ça qui va faire la force d'un spectacle. Parce que si quatre personnages vont dans la même direction sur un sujet, bah pour moi, le spectacle, il n'a aucun relief, il a aucune profondeur, il n'y a pas de fond, quoi. Justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir comment chacun va se positionner par rapport à ça et avoir justement, quitte à avoir des axes et des objectifs très, très différents. Et même si c'est pas, ça ne nous est pas propre, mais en effet, d'avoir des personnages qui sont terribles, qui sont racistes, homophobes, tout ce qu'on veut, et ben ça va être intéressant qu'un soir précis, il y en ait un qui prenne en charge un rôle comme ça, en fait. Est-ce que vous êtes en alerte permanente, donc non seulement sur les sujets d'actualité, mais sur toutes les opinions qui y sont liées? parce que c'est peut-être ça aussi qui peut vous nourrir, enfin, en représentant une réalité d'une opinion concernant ce sujet, on a un milliard. Parce qu'il y a oui, enfin, vous vous renseignez beaucoup pour justement pouvoir être ça dépend. Au taquet sur les sujets. Non, je crois pas, en vrai. C'est-à-dire que je pense qu'on ne le fait pas plus parce qu'on joue ce spectacle. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand tu discutes avec tes amis et, ou tes parents, il y a plein de gens qui ont plein d'opinions sur plein de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Sans être une encyclopédie. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est... ouais. C'est ce qu'on Après, oui, il y en a dans le collectif qui sont très pointus sur la politique. Ouais. Très pointu sur certains sujets, bien sûr. Ouais, mais ça, du coup, c'est personnel à la base, c'est pas forcément pour la pièce. Oui, mais après, tu vois, ce qui est bien, c'est que comme effectivement, ça fait quelques années qu'on se connaît, je sais si ce soir, je joue avec telle ou telle personne, que potentiellement, si je prends un sujet politique, ça va ou pas les intéresser. Tu vois, par contre, je sais que si je prends un sujet engagé sur, j'en sais rien, le droit des femmes, et que j'ai telle ou telle personne dans l'équipe ce soir... Je sais que potentiellement ça va matcher. Donc en fait, il y a ça aussi qui joue. C'est parce qu'on se connaît que, enfin tu vois, et qu'on a tous nos intérêts particuliers, nos zones de sensibilité. Nos terrains d'action. Hein. Nos terrains d'action. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est bien dit ça. Ok. Et est-ce que vous êtes analysé avant entre vous qui a la personnalité dans Bien sûr. Oui, ça, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu des parvenus. Ça a été la grande recherche au début, puis maintenant c'est même un jeu qui parfois peut... Hein, mon Laurent ouais. Bien sûr, on s'est collé des étiquettes dans le travail ou en dehors aussi, parce qu'on n'est pas forcément la même personnalité dans le boulot et à l'extérieur, dans une vie plus privée. Mais oui, on s'amuse énormément avec ça. J'imagine. Et c'est sûr que c'est on porte aussi un nouveau regard sur nous, en ayant travaillé cette matière, bien sûr. Il y a des choses qu'on peut anticiper sur certaines choses, tellement maintenant, en plus de se connaître très bien, on se connaît très bien par le biais de l'énéagramme. Donc on s'amuse avec ça. Ouais. J'ai vu sur votre site que vous proposiez des prestations en entreprise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu à quoi ça correspond et si vous avez d'autres formes d'intervention dans des groupes, des classes? En fait, ça dépend vraiment du besoin, parce que nous, on est comédien, on est flexible. Donc, en fait, on a cette matière persona qui est très riche, aussi pour expliquer ou pour donner des tips sur les interactions humaines, la communication, comment est-ce que, une chose que tu vas pouvoir dire peut être très bien pris par telle personne et très mal pris par quelqu'un d'autre, comment est-ce que ton corps aussi va nous raconter quelque chose au-delà de ce que tu es en train de nous dire. Parce que justement, on a travaillé cette matière persona, enfin, les personas qui sont très riches, l'énéagramme, et au-delà de ça, en plus, on est comédien et metteur en scène, ce qui fait qu'on a ce savoir-là de la communication, a priori. Donc, nous, on a vraiment très envie de défendre ça, on a porté ça en entreprise, mais après, ça dépend aussi des besoins qui sont pointé par généralement les responsables des ressources humaines. Donc soit c'est pour du team building, mais ça peut être aussi pour intervenir sur la posture managériale, ça peut être intervenir sur comment gérer son stress au travail. Enfin voilà. En fait, du coup, c'est un outil qui est ludique et en plus qui a une portée pédagogique hyper forte. Donc c'est quelque chose qui est facile, entre guillemets, pour nous à apporter. Et vous en faites régulièrement, enfin, c'est une manière pour vous justement ces actions de compléter aussi votre activité de comédien ou c'est trop ponctuel pour... Alors non, on en fait, ça dépend qui déjà, parce que pas tout le monde aime faire ça, enfin voilà, donc ça dépend un peu des personnalités. On en fait, oui, pour compléter notre maigre intermittence, mais on en fait aussi et surtout parce que ça nous permet d'aller à la rencontre d'autres personnes dans un autre cadre. On voit que par exemple en entreprise, il y a d'autres mécanismes, il y a aussi potentiellement beaucoup de stress, surtout aujourd'hui. Pour certains, beaucoup de souffrance. Et là, quand tu amènes cet outil, l'énéagramme, le théâtre en entreprise, tu te rends compte des vertus du jeu, des vertus du plaisir du plateau, le fait de se reconnecter à ses émotions, le fait de se voir autrement aussi, puisque là, tu te mets en danger face à tes collègues, mais en même temps, c'est un danger qui n'est pas complètement réel. Et donc, voilà. Mais oui, mais en fait, on n'a pas que les parvenus dans nos vies, même si ça prend une bonne partie de nos vies. Donc on a énormément de choses, c'est ça aussi la réalité des intermittents aujourd'hui. On a énormément d'autres projets, d'autres là pour nourrir le spectacle. Moi aujourd'hui, par exemple, je fais une formation de chant à la Manufacture de la Chanson. Je suis sur un projet de danse, je suis sur voilà, d'autres projets. Enfin, donc du coup, on nourrit tout ça avec d'autres disciplines, quoi. Par rapport à la question de l'entreprise, pour être tout à fait honnête, après on verra si... C'est, au départ, moi je me suis dit, tiens, est-ce que je vais aller faire... Je connaissais pas mal d'artistes qui allaient justement faire des actions en entreprise, et je me disais, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu de la prostitution quelque part. Je me disais, où est le côté artistique là-dedans? Est-ce qu'on n'utilise pas les artistes à d'autres fins plus médiocres? Et en fait, c'est aussi en faisant et en me déplaçant, et d'ailleurs un peu partout en France, qu'au fur et à mesure, j'ai pu me rendre compte de... Alors j'espère que ça ne va pas non plus être trop... mais de la portée, ouais, de ce que nous, on pouvait apporter, en fait, dans ces endroits-là, où la plupart du temps, moi, j'ai fait des actions, c'était quand même... Il y avait des situations un peu de crise. Et ça m'a permis, moi, de sortir aussi d'un entre-soi d'artistes, et d'artistes parisiens et parisiennes, quoi, où on est vraiment dans un milieu qui peut être assez fermé, où on est entre nous, de voir aussi une autre réalité des personnes, hein, comme vous et moi, qui ont à peu près le même âge, mais qui vivent des choses totalement différentes, et de voir aussi comment nous, avec notre matière, avec notre art, on pouvait aussi les aider, leur apporter quelque chose, et qu'eux aussi nous apportent quelque chose, parce que pour moi aussi, c'est de la matière constamment, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses avec lesquelles on prend forme et qu'on ramène aussi au plateau. D'accord. Donc finalement, un bilan positif sur ces actions d'entreprise. Un bilan positif, ouais. Merci beaucoup pour cette interview, d'avoir joué le jeu. Et puis à très bientôt alors, on se retrouve pour Persona. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc Persona, ça se joue là encore jusqu'à fin mai, tous les dimanches, lundi et mardi, et en juin, tous les lundis et mardis. Venez découvrir, venez profiter avec nous et partager. Et revenez même. Et revenez gratuitement, c'est ouais, ça qui est génial. Parce que précisons, vous payez votre billet une fois et vous revenez la deuxième fois gratuitement. Voilà. Si vous êtes accompagné. Tout à fait. Mais bon. ça permet de voir et ça permet de voir, de nous revoir. Il y en a énormément qui font ça, il faut le savoir. Donc, comme on a dit tout à l'heure, au début, par une curiosité, en fait, tiens, mais est-ce que c'est réellement de l'écriture au plateau? Est-ce que vraiment ils sont en train d'écrire et de chercher en ce moment devant nos yeux? Et les gens reviennent une deuxième fois et en effet, ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent. Donc, Si vous êtes dubitatif, si vous pensez que les parvenus sont des tricheurs, des menteurs, nous vous étions en tête de Belleville à plusieurs reprises, donc jusqu'à fin juin. Merci beaucoup. Merci.